J'écris cette lettre dans la chambre sombre d'un hôtel minable. Si j'en avais fait une chanson, je l'aurais sûrement nommé phase terminale. Au bout de mes doigts, le stylo tremble, j'écris mal. Mes yeux se remplissent d'eau comme au milieu d'un gaz lacrymal. Écoute, ce soir, vous les laisserez couler. J'ai plus rien à faire, plus rien à dire, frère. Je les laisserai jouer entre le parquet et la moquette. Mes larmes n'iront pas plus bas, sans moquer. Le monde qui en vrai ne nous calcule pas. J'écris ces mots, tu te rappelles, Tox, qu'on a tout brisé. On avait peut-être pas la bonne méthode, mais on a tout misé. On a peut-être eu droit qu'à l'équipe réserve, quand d'autres brillaient. Cousin, que Dieu les préserve de nous avoir oubliés. Écoute, cette lettre, elle est pour toi, mon bras. Pour les noms qui vont suivre, pour ceux qui frôleront ma pierre tombale. En serrant les gencives, n'oublie jamais, jamais qu'on était plus qu'un trou. S'ils voulaient crever l'un d'entre nous, fallait creuser plus qu'un trou. Tiens, choco que toutes ces années à vivre en communauté ont laissé dans mon cerveau des souvenirs à vie qu'on pourra plus monter. Et de l'enclave à ce chant triste après la pêche, là où les gens méprisent. Nous, on vivait en chien tout en gardant la pêche. Si tu vois R.E.T. pas celui ses mots aussi mères. Appelle-lui que mes meilleurs moments d'écriture sont rue du séminaire. Si nos rats n'auront jamais ramené de pied dans le derrière, on en aura marqué des esprits avec le cri du guerrier. Oh oh, ah, une sacrée époque. Ça y est, sont là les potes, disant pourquoi ça marche pas. Rosez les épaules, c'est de ma marche pas. Moi je disais l'histoire, je la connais. Lui prétendait le contraire, c'est un pierre au jardin japonais. Perdu dans les yeux bleus, la vie qui dessine sur le banc du parc. De tête un peu chide, on partira quand ce sera le fond du parc. C'était comme ça, avec Comar, rien n'était impossible. Rappelle-lui bien que j'ai filmé toutes ces leçons qui kickboxing. Quelle rigolade, quand j'y pense, je suis moins seul ici. Putain, pourquoi passer du rire aux larmes devient si difficile. Je crois que c'est là, c'est là. Quand tu crois que l'ange te parle, attends, j'ai plus place sur celle-là, je change de pas. En fait, est-ce que tu vois encore ces noms? Pas su le bonjour du rouquin. J'espère qu'il manie toujours les mots, qu'il en fait des bouquins. Est-ce qu'il a toujours la même femme, la même coupe depuis le temps? Est-ce que mon poteau m'attend toujours sur le parking du mutant? Est-ce qu'il y a même si est marié, quatre gamins? Est-ce que la zip est une femme au foyer, au talon et sac à main? Passe-leur le salam et le respect, la part d'un ignorant qui a passé sa life à chercher la paix. J'espère qu'ils l'ont. Dis-moi tos, dis-moi tout. J'ai ni ma tos, ni ma tout. J'ai un logo bastard, prod, une tape ou le pinard, tout. Mais voilà, frère, tiens, j'pense à Jacko, whisky et bipass. Dis-lui que les frères, c'est comme le pays, ça ne s'oublie pas, ça. Est-il toujours aussi épais? Est-il toujours épais? Dis pas quelques mots, il s'énerve si tu le répètes. Lui en fait, comme tous les autres, c'était la familia. Je mets des mots dans des ordres, mais pour eux, voler des milliards. J'ai tellement de choses à dire, mon gros, et peu de papier. La vie, c'est beaucoup moins drôle quand ta peau fait peur aux barbiers. L'appétit, je l'ai pas perdu. Pas un perso, t'es la cave. T'inquiète, la baie qui m'accompagne au PMU en garde. Si t'avais présenté ta cousine, j'en serais pas là aujourd'hui. Je plaisante qui mélangerait Mozart et la voix aujourd'hui. J'ai plus de tif, mon corps est sec, bizarrement fagoté. Mon seul kiff, c'est la partie d'échec, j'ai le voisin d'à côté. J'ai cette lettre dans la chambre sombre d'un hôtel minable. Et puis, je m'en fous, j'en fais une chanson et je l'appelle phase terminale. On voulait juste tordre le cou de la poule pour lui 49. Je la cherche encore mon zingou 25-12-2049. Elle était où la poule aux œufs d'or? Bah y'avait peut-être juste qu'à open the door. J'ai pris la route à l'âge où tu comprends que de route sur 10 j'mèneront ta ronde. Elles sont bordées de précipices de péage, j'en connais le tarot. Sans se foutre de leurs belles paroles, je croquerai pas ma chambre d'hôtel dans une pièce pleine de paroles. J'aimerais tout ce que j'ai, un t-shirt PC, enfin trouver l'accès. J'aimerais tout pour ressasser le passé, rechanter j'accède. Elle était où la poule aux œufs d'or? Bah y'avait peut-être juste qu'à open the door. J'ai pris la route à l'âge où tu comprends que de route sur 10 j'mèneront ta ronde. Elles sont bordées de précipices de péage, j'en connais le tarot. Sans se foutre de leurs belles paroles, je croquerai pas ma chambre d'hôtel contre une pièce pleine de paroles. J'aimerais tout ce que j'ai, un t-shirt PC, enfin trouver l'accès. J'aimerais tout pour ressasser le passé, rechanter j'accède.